rap. 100% rap français. Et c'est parti pour la nocturne 100% rap français, dernière nocturne de l'année 2014. Autant vous dire qu'il va y avoir évidemment des nouveautés. On va aller se pencher un petit peu vers 2015, ce qui risque d'arriver dans les mois, dans les semaines qui viennent sur Skyrock. On va débuter avec Bâtir l'invité de Planète Rap cette semaine. Vald était notre invité entre 20h et 21h avec son projet NQNT Partout à Tis. C'est le morceau qu'on va écouter maintenant. Juste après, je vous balance le coup du patron. Ça, ce sera une des sorties de 2015. L'album de Dossé ou le projet de Dossé qui arrivera avec Gradure aussi. Qu'on retrouvera ainsi que Joke dans un instant. C'est la nocturne 100% rap français. Coup d'envoi avec Vald. C'est parti. Planète Rap. 100% rap français. LOR, je t'oublie pas. Jamais. Tu qu'on blase. Reste fort. Toujours. BBP, Dollar, INCH, Nathan, ROC, Giorgio, DF, Bazou, Rabakar, Screech, Goon, Jarod, Will Sketch, l'animalerie, tout le monde, tous ces gens, Sirius, le virus le plus sérieux. Je fais fatigue, pédophile satanique pour le Zeyo. Juste au cas où que le Tréo rapplique, m'explique qu'il existe et que mes côtes vont plaire au caveau de l'enfer à jamais. L'enfer, j'en ramène, c'est mes rimes, je te jure, ça ranime. Même ta mamie, ça va vite, ça fait balle débile. La fuite vaginale à la rive, c'est la misère. Chaque anniversaire, j'ai de nouveaux MC pour mon dessert. Je vais finir au baisse des vidéos de teint aigri des autres mecs. Comme un ovaire féministe, vous me faites plus rêver, ça m'énerve, j'aimais bien. Bien sûr que j'aimais bien, c'est Gus qui me parle et de rien, de pute et de bien. Bien plus que de bien, oui, de bif qui se gagne. Dans des districts mystiques, à l'heure où les villes s'y se battaient pour des sixties. Chargé que j'ai la peau d'un mec né dans les sixties. Oui, fils de pute, c'est moi caché. Donc tu vas tâcher. Bien faire gaffe à ta moustache et pas me fâcher. Ou ton polo tapette, je vais le tâcher. T'aspèche. Sors le bourbon, j'arrive. Non mais bourgeon de trêve. Je braque les fourgons de la brique. Savez-vous qu'on pèse tout. Tout ma clique passe là, fout le cri de joie, barre tout à tis, pas barre. Tout ma clique passe là, fout le cri de joie, barre tout à tis, pas barre tout à tis. Sors le bourbon, j'arrive. Dans mes bourgeons de trêve, j'braque les fourgons de la brique. Savez-vous qu'on pèse tout. Barre tout ma clique passe là, fout le cri de joie, barre tout à tis, pas barre. Tout ma clique passe là, fout le cri de joie, barre tout à tis, pas barre tout à tis. Oki doki, zogin vorim, vos stylo big morve. Flo dimondis, vos stylo mic, j'ai le stylo big or. Je ramène la paix comme une bombe nucléaire. Maçon sur mes nerfs, niaxon sur mes lèvres. Chaque seconde j'évolue, car dans le bulletex j'ai mis l'uranium. Quand je postillonne, je casse tron nuquetec. Oui, tron nuquetec, tron nuquetec, je casse tron nuquetec. Quatre fois, je fais le don du décès à chaque strophe. Plus d'or, j'ai ma tombe à custom. Je vis dans un film érotique où les figurantes s'excitent. Même plus correctement, c'est le bordel, je te mens pas. Faudrait que tu vois ces beats, j'ai mis pour un modèle de montre suisse. Suis pas la troupe, c'est le suicide à la fin du sursis. Survivre, c'est mon premier succès. Je fume sec pour soigner mon ulcère. Shoot, tire du bif à l'industrie. Super, Sullivan. Clope sévère, corse sévère. Chope tes pères, c'est tes gones, des guerres. Je les fais ken par des Rottweiler. Quand leur sang croit, je connais gore. C'est le rap pas mal et j'ai plein de remèdes. Toutes ces putes dans du barbelé. Ouais, c'est sûr, ouais, c'est de là à peu près. Mais c'est pas le problème. Sullivan, Rottweiler. Sors le bourbon, j'arrive. Non mais bourgeon de trêve. Je braque les fourgons de la brique. Savez-vous qu'on pèse tout. Tout ma clique passe là, fout le cri de joie, barre tout à tis, pas barre. Tout ma clique passe là, fout le cri de joie, barre tout à tis, pas barre tout à tis. Sors le bourbon, j'arrive. Dans mes bourgeons de trêve, je braque les fourgons de la brique. Savez-vous qu'on pèse tout. Tout ma clique passe là, fout le cri de joie, barre tout à tis, pas barre. Tout ma clique passe là, fout le cri de joie, barre tout à tis, pas barre tout à tis. Tu te calmes tout de suite et tu prépares tes arrières, mec. Fais très attention à ta moustache. L'audi m'en dit sur stylo mic, j'ai le stylo big or. Ouais, vous m'aurez cherché. VALD. Lève ta main pour Sullivan. Et la baisse plus jamais. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Ok, Yuri, Durga, Joki, Bourmet, Oji, mes pulcras, Mengoki. Grosse liasse dans le blue jean, grosse paire de couilles à la poutine. Cousine, je suis à Orleans, ce que Jay-Z est à Brooklyn. Quand j'ai fait mon entrée dans ce jazz, tous ces bâtards ont croit vu que je viens de du terroir. Ouvre ta grand-mère et

perdu en ville, tu t'enlises, t'es pas en pleine forme. Car tu te rends triste quand tu crois que t'as besoin de personne. Tu t'enlises quand tu crois que t'as besoin de personne. Tu te rends triste, tu t'enivres et tu te questionnes. Perdu en ville, tu t'enlises, t'es pas en pleine forme. Car tu te rends triste quand tu crois que t'as besoin de personne. J'fais que les plombés, j'sais que t'es con qui grandit dans les ghettos et dans les pièces de conflit. Fallait se lever tôt, oublie grave le bédo. Répondre à la demande de tous ces junkies, c'est pas cool les funky. J'en ai bavé des nuits blanches, tous de sortie, veulent taffer en freelance. Look de Rurty, blues de l'heure, diac des cahiers de fous qui font tout et en silence. W, ça bosse comme des dingos. Ouais, ego, faut déporcher des lingots. Ouais, ego, faut déporcher des lingots. Ouais, qui se m'en foque les poires et les impôts. Non, t'as pas compris, j'en veux pas ton shit, j'en veux pas ton bis, j'en veux pas ta carotte, j'en veux pas ton fil, j'en veux pas tes salopes, j'en veux pas ton smic. Moi, je vise la cagnotte. Ah. Je viens du 9-2, mais je sais que partout c'est la même. Là, je nous fais la zep, ta foule c'est ta peste. Le choix est dur, mais crois-moi, faut en faire. Sans oublier tes gassures en R5 ou en R1. Rap français. Un school, entourage, 95 gang. Plein de groupes, plein de talents, nouveau time bomb. Rien qu'on parle de T-Max blanche neck. Je laisse personne me marcher dessus. Comme une paire de Air Max blanche neuve. Me disent les petits que t'as, tu le mérites, y'en a. Très peu qui représentent bien le Paris méridional. 15ème, 13ème, 14ème. Si aussi tu trouves des mecs à l'ancienne et des canoncières. Je suis loin des cailles qui piquent grave le crack des ghettos. Mais dans mon crâne, c'est plus crade que le plus crade des ghettos. Je me fous de ton palmarès. Si tu sais pas rimer, c'est Paris même, mais c'est pas le marais. Le 15 abrite de très grands bateaux. Y'a que le chic qui crée de l'emploi. Je fais comme les flics, je mets la lumière sur mon équipe qui traîne en bas. Vu la taille du gâteau, normal qu'on veuille le grignoter. Je bosse la nuit, impossible d'empêcher mon œil de clignoter. Du sang dans les prunelles, besoin d'être défoncé. Dès que t'as mal, t'es frites le ketama sans même le brûler. J'aime les films crus fédéraux, une pute flingue et fédéraux. L'argent part en fumée, car y'a que quand je bédave que je fais des ronds. Pour certains, j'ai la tête du premier de la classe. Mais mon cœur bat pour les renier de la tasse. Et tous ces mecs jeunes, ils peuvent que tailler mes cheveux. Mais messieurs, ne me confondez pas avec ces mécheux. J'ai appris à me servir des apparences. Faut qu'on maille, certains de mes refs sont déjà parents. On est soudés comme les Lyonnais. Les traitements, on les traite mal. On est venu te montrer qui on est, t'inquiète, on fera du pif avec les sons qu'on maquettera. J'en ai pris des patates dans le pif, mais personne maquettera. Et ils ont essayé pourtant, hein. Si tu savais, j'étais mineur quand je me suis retrouvé dans ce milieu de requins. J'ai tout eu, ma parole, les menaces à la famille, les voitures en bas de chez moi, mais je suis toujours là, grâce à Dieu. Jamais trompé par l'étroitesse d'esprit, je t'explique qu'ils aiment tellement le fric qu'ils veulent me mettre en pièces. Mais mon détournement de son est conçu pour durer entre deux mondes. Qu'est-ce qui fait marcher les sages entre deux mondes? Y'a trop de mensonges, tout ça m'inquiète, t'sais. Je suis sur Paris, j'attends de reprendre la route. Comme une péniche sur les quais de Seine. Mental d'indigène, anti-chienne. Mais je brise le cœur des gentilles filles dont je me suis entiché. Il est déjà tombé gros, je suis toujours dans les griffes acérées. Dans plan cul avec qui j'ai des atomes crochus. Mon gars, elle m'a dit occupe-toi de mon gars. Vu qu'elle sentait la manga, je l'ai prise par derrière comme un manga. Des mecs, elle en ramène plein dans le mois. Bébé, tu veux un baise-main, branle-moi. Je rêve d'une muffin qui me file des muffins. Mais je me file qu'à moi-même, car ma vie est un muffin. Je me méfie et je m'effuie. Eh, hey, tu connais, le matin je suis sous pollen, le soir je suis sous pollen. Escou, l'entourage, 95 gang. Plein de groupes, plein de talents, nouveau time bomb. Ouais. Escou, l'entourage, 95 gang. Plein de groupes, plein de talents, nouveau time bomb. C'est un texte en angle droit, dealer. Ici c'est la Russie, dès que le sang ruisselle, ça joue les Russell. Ro, les points de suture sautent, les blessures ressaignent. Ça parle de drogue, d'armes et de recel. Ro, mauvais exemple pour ma reçue. Moi, ce qui me rend heureux, c'est le gros. On pousse soudainement, tous prêts à dormir au sol. Mousse et béton pour la recette. Tous sous des gants, notre ami ressort, ça se ressent. On a forgé notre armure au sein de l'école, intramuros.

monde a des pour remplacer ton CV. Bah ouais, ça pique rap du jambar même quand tu fais chiffrer. Même si tu pètes ta fan, y'a match qui kiffe l'odeur. Laisse Léon les géniaux, m'en fais du sale dans la lourdeur. Quand on a intimité, j'enfonce mon doigt d'honneur. J'ai grandi vite comme un pute, et comme que tu es un killer. Génération kicker, ouais, je fracasse les beats. La musique, une drogue, je suis un dealer. Alors, Nyama, je t'évite. Chez toi, t'es malin, MC, bah chez nous, t'es débile. Inaperçu lorsqu'on distribue la jamba, yeah, pour Philippe. Nyama! Je vais tous les fumer, envoie les massas. Bon sang sur qui tout part comme la jamba. Jamba. Ils nous prennent de haut, nous on vient d'en bas. D'en bas. Mes mecs de tête, on meurt, mais on se rend pas. En bas. Je vais tous les fumer, envoie les massas. Bon sang sur qui tout part comme la jamba. Jamba. Ils nous prennent de haut, nous on vient d'en bas. D'en bas. Mec, tout est son meurtre, on se rend pas. Passe-moi en mode aquarium, remonte les vitres. La vérité, tu y sors quand on est ivre. Quand tu casses nos cellules, ça peut couler vivre. On sent pas les couilles, MC de toi, de ta if. Paris, on l'en a air, ça prend des risques. Ils sont tellement chats qui se vendent des polémiques. Petit va doucement quand tu vois mes gimmicks. Je suis instrument, ceci n'est pas un mythe. Les bras sont cassés, les couilles. Des détresses avec un joint de peu. Allume ta chicha, pète ton trois feuilles. Niama, fais-moi 22. C'est moi et mes coronesses. Moi, j'ai pas besoin d'eux. Non. Le succès ça se consomme vite. Fais les choses bien, tu frappes à l'enfeu. On garde à vue, on lui sait. La police ne peut pas plumer. Jamais. Je suis un non-fumeur, Nyama, qui a vu ce projet partir en fumée. Nyama. Hier j'ai été bloqué, donc aujourd'hui je vous la mets. Tiens, j'ai la taille d'un mec du star, moi je suis prêt à niquer des remèdes. Nyama. Je vais tous les fumer, envoie les massas. Massa. Bon sang sur qui tout part comme la jamba. Jamba. Ils nous prennent de haut, nous on vient d'en bas. D'en bas. Mais mes mecs de tête sont meurs, mais on se rend pas. En bas. Je vais tous les fumer, envoie les massas. Massa. Bon sang sur qui tout part comme la jamba. Jamba. Ils nous prennent de haut, nous on vient d'en bas. D'en bas. Mais mes mecs de tête sont meurs, mais on se rend pas. En bas. Numéro uno comme d'hab. Yes. On est belle comme d'hab. Yes. Jarod. Fuck les actos, faut juste qu'on graille. 7-5 Paris Nord, tu connais le bail. J'ose croire qu'ils m'esquivent, j'fais pas le domestique. J'suis le seul qui t'escante, les autres sont die. Faites pas les cons, oui j'suis fier man d'être parigo. J'suce pas de bite comme d'autres saligos. Sur la route de la gloire, dites-leur qu'on y go. On les baise comme d'hab. On les baise comme d'hab. J'ai du mal à faire ce mandou. J'ai du mal à prendre sur WAM. Encore les mêmes qui m'affrontent. Ils vont peut-être faire au sol. Qu'ils aillent pousser la fonte. On les baise comme d'hab. Fuck tous les mecs qui se taisent. Par manque de couilles quand il faudrait parler. Pas de télé, pas de poster. J'veux pas de la douille, j'suis un mauvais taré. Pour un nouveau palace. J'suis prêt à faire du mal. Si tu voulais ma place, tu l'aurais pour du cash. Cash, cash. J'suis d'un univers trash. Crash, crash. Ils ont mélangé le faux au vrai. Donc un jour ils vont prendre une barre. Opposer le frère au frère. J'm'en fais pas pour ma peau vu que j'tape. On les baise comme d'hab. On les baise comme d'hab. J'ai du mal à faire ce mandou. J'ai du mal à prendre sur WAM. Encore les mêmes qui m'affrontent. Ils vont peut-être faire au sol. Qu'ils aillent pousser la fonte. On les baise comme d'hab. J'ai vu mon avenir dans ton regard de haineux. Je n'en vis qu'une escale, j'ai du mal à tourner ma veste. Le mal me traverse comme si j'étais cancéreux.

peux tout plier sur un son. Car j'écris mes textes au pinceau. Yeah, yeah, yeah. Comprends-tu pourquoi nos soins nous sont prohibés? Comprends-tu pourquoi nos soins nous sont prohibés? Comprends-tu pourquoi nos soins nous sont prohibés? Comprends-tu pourquoi nos soins nous sont prohibés? Regardez comme on s'aime. Tellement de la rue qu'on fait pas pitié. Je côtoie le crime, je n'en suis pas fier. Pourquoi tu te sens menacé? On récolte ce que l'on sème. Dans l'épaule, Dieu t'a acquitté. Tu prends des thunes, mais t'oublies qu'un jour ou l'autre tu te fais remonter. Aussi noir que mes thèmes, je viens de là où tout est possible. Ici, nos vies sont polar. Là où les plus faibles se suicident. C'est vrai. Grandi parmi les pimpons, je suis parano dès que quelqu'un sonne. Je peux tout plier sur un son. Car j'écris mes textes au pinceau. Yeah, yeah, yeah. Comprends-tu pourquoi nos soins nous sont prohibés? Comprends-tu pourquoi nos soins nous sont prohibés? Comprends-tu pourquoi nos soins nous sont prohibés? Comprends-tu pourquoi nos soins nous sont prohibés? Grandi parmi les pimpons, je suis parano dès que quelqu'un sonne. Je peux tout plier sur un son. Car j'écris mes textes au pinceau. Yeah, yeah, yeah. Comprends-tu pourquoi nos soins nous sont prohibés? Comprends-tu pourquoi nos soins nous sont prohibés? Comprends-tu pourquoi nos soins nous sont prohibés? Comprends-tu pourquoi nos soins nous sont prohibés? Total ciné. Soldat de ta fille dans un stand de tir. Mauvais choix de carrière, je fais des choses qui m'ont coupé sommeil. Dur à approcher mes shows, un peu comme le soleil. Ici on fait notre argent seul, un calibre, une folie. C'est pour mes gars d'Argenteuil, Olney montre la jolie. Symphonie des chargeurs, attends je vais bien m'installer. Les douilles tomberont sur le sol, ça s'arrête plus de rafaler. On a tous besoin de quelqu'un, ici personne s'enterre seul. La rue est remplie de vis, de quoi bien fermer ton cercueil. Y'a pas de mi à mort, mais rien que ça nique à mort. Au beurette qui chauffe mes grêles pour voir comment ça nique un noir. Je leur tends la main et passe sur moi, devant des femmes et des fans. Si un jour je te fais une fleur, n'oubliez jamais quel fan. Des ennemis partout au noir, je vis constamment stressé. Mal aimé, mal nourri, donc baby a régressé. J'ai mis les punchlines à la mode et ces bâtards m'ont cessu. Qu'est-ce qui manque à leur texte de rue, cru, c'est du vécu. Je réponds pas au clash de salope, c'est pour ça que je me suis tué. Je vais me faire la guerre, même chez toi, tu seras même pas en sécu. Pour un rien stable, j'entends Fab et puis WhatsApp. Comme message, j'ai rien d'en bas, moi je règle tout au sable. Esclave de nos désirs, mais parfois on s'ouvre. Quand la mort vient trop froidir, ici personne te couvre. J'ai percé les haineux, ça les arrange pas. Donc ils font tourner la rumeur comme quoi je ne lance pas. Ils ont tout fait pour que j'arrête de tes gens. J'ai un casier de pyromane, c'est pas pour ça que je péflant. La vie de rue me stresse. Pas d'argent, pas de mandat pour mes frères au Heps. Un gros chèque, maman est en hesse. Une rafale comme les pays de l'Est. J'ai vécu pauvre et un peu stressé. Ma voix est au bord de l'eau, je risque encore de pêcher. De la bicrave au rap, c'était pour payer le loyer. J'ai côtoyé des chiennes, j'ai fini par aboyer. On me demande même plus comment je fais, on regarde juste mes finances. Le regret de mes proches multiplie et moi j'encaisse en silence. Confession ou thérapie, j'sais pas encore c'est quoi le thème. Mesure après mesure, je m'éloigne du rap game. Me pars pas de couple, en amour, je suis limité. Quand l'huissier prend tes meubles, il prend même ta dignité. Ici bas ou dans l'au-delà, on sait très bien que tout se paye. Des gamins ont touché le fond avant de finir la bouteille. Je perds des potes, je suis plus heureux d'être célèbre. Les croissants de lune nourrissent aucun rêve. Quand les lumières s'éteignent, je suis parano et bizarre. Pour avoir le bif de hasard, on n'écoute même plus Eden. Marié à la rue, j'ai engendré la poisse. J'ai beau écrire des litres, l'Afrique a toujours soif. L'écriture, c'est pas inné, dis au public j'ai fait ta. Baby, je sais pas où je suis né, mais je sais que je mourrai quelque part. Oh non, certains me regardent bizarrement. J'ai des frères morts violemment. Histoire de rude, mise à l'amende, baby. J'jure comme Snoop, j'rappe comme Chouf. J'rappe dans le trou, j'rappe dans le flou, j'raconte tout. Soit personne ne m'aime, soit personne me le montre. En même temps que les cadavres, les romans remontent. Big up à mes sœurs et notre lit superposé. Si l'épreuve d'amour est inflammable, ma mère serait sur un bûcher. Et en plein chaîne, j'étouffais, l'impression d'étouffer. Même si le soleil se lève, certains veulent rester couchés. Priez pour moi, j'irai peut-être en enfer. Un délit, j'irai peut-être à Nanterre. Défendu tellement de causes, on m'a dit tellement de choses. Tu risques de te faire refroidir, le flingue est sous le manteau. Décision, finition, punition. Dieu pardonne, mais pas nos munitions. Ce sont des sous-sols ou des sous-sales. Ouais, c'est vrai que je suis beaucoup plus fort quand je rappe tout seul. Non, non, non, j'ai toujours pas sommeil. C'est l'histoire d'une étoile qui voulait voir le soleil. Famille, 9-1, 9-1, calonge à la brode.

avec ta frange, n'ai aucun lien de parenté, je suis pas tes fils. J'ai vécu dans la promiscuité avec les fils du vice. Vision chaotique d'une situation diabolique. L'histoire a fait de moi Kerry James le mélancolique. De l'esclave le fils, annonce la couleur d'office. Je nique ta police, ta justice est 3 fois 6, 6 système. Je ramène de ma rue ses pensées extrêmes. Faudrait que tu te renseignes. Rêve de saigner la droite extrême. Seul le tout puissant, bienveillant et omniscient. Dispose de mon, de mes et de mon sang. En plus de son sang, je pourrais même y laisser ma vie. Avenir obscurci, l'état m'a mis un préavis. Mais je suis hostile à toute forme de compromission. Sans prétention, comme dans le passé, je suis sur une mission. Chacun sa vision, voilà mon avis. Mais notre vision n'est peut-être que le reflet de ce que l'on vit. Si j'ai vu trop d'horreur, pas assez vécu de bonheur. Ma conscience m'a dénoncé, cette vie de malheur. Mon passage sur terre est le même n'être qu'un leurre. Je serai jamais heureux, parce que ce système c'est le leur. J'ai peur et rêve que mes frères prennent de l'ampleur. Puis quand j'ouvre les yeux, ce n'est pas que de rage que je pleure. De déception, c'est bleu, blanc, rouge comme le sang des nôtres. Cette France n'est pas amicalement nôtre. Et tu crois, ton intégration n'y croit. Mais tes actes racistes ont pris du bois. Animalement vôtre, ton pays c'est pas le nôtre. Moi et mon armée on dévore tout et la tienne ton rivaux. Chacun de mes pas, ton regard posé sur moi me blesse comme si tu me pointais du doigt. Et tu crois ceux qui tiennent à essayer de nous dévier. La fureur dans les gènes qui peuvent stopper un homme décidé. Monsieur saigne de rage, lourde l'âme creuse et joue de mon visage. Drame sur macadam, Paname rassemble des milliers de rêves brisés. Ça me suffit, je blâme les jeunes que le système condamne. Je calme le jeu, sauve mon âme des flammes du mal qui me réclame. Je rêve d'évasion, de fuir ce béton qui m'emplace chaque jour un peu plus. Cherche au fond des yeux de mes parents la force de tenir encore plus. Au max, c'est conscience, refoulement d'aine, ça crame dans les hauts. La violence a toujours été la parole du pauvre. Ma voix, c'est de la mélancolie d'espoir qui m'alimente. Colombien, América Latina, repoussante. C'est ce foutu mal du pays qui me hante. Je rentre par effraction dans un système qui me veut une mort lente. Annihiler mes origines, ma culture, ma langue d'origine. Puis quand je n'aurai plus rien, on parcourra loin des villes. Je serai loin de mon vrai pays et près de celui qui m'a trahi. Je veux pas mourir comme un déraciné dans l'oubli. Soy comme un boomerang, los que no creen que haberán. Perecerán sur la venganza, India, llego l'huracan. Africano, Araoui, Latino, je viens de TC. Je vous l'avais dit, on fera notre place dans ce pays. Je suis pas Zorro, non juste un grillé. Élevé au pain, même pas grillé. Pris au collège, prié, puis suis devenu MC qui rigole pas. Fallait qu'il sache comment je m'appelle sûr. Fallait que je sois dur, plus cruel que le sort qui pousse nos pères à la truelle. Et je cure mon mal par des momans. Ma rage reste au top des hits sur micro. Main et fier de son minoman. Ma voix loin des mythomanes. Je brave les cons, les pantins. Que ça fait chier de voir un noir dire ce qui va pas dans leur patelin. Ce pouvoir est un devoir que je fais mien. Ma couleur fait qu'il faut que je sois mieux que les autres. Et si je me vote, faudra que je me sorte plus vite que les autres. Je garde en tête que les nuls sautent. Que nos gosses voient tôt des globes faire clic. Combien d'orgueil en courbé tôt pour un bout de plastique. Combien bannissent toute éthique. Je rappe pour ma souche bébé. Y'a rien de louche dans mes affaires. Je sais, ça paraît flou de la part d'un bas animé. Mais 10 années de rime arrose les fleurs sur les tombes de ceux qui ont pris une bosse. Trop tôt fini une vie par rose. Trop dose. Ankylose les choses dans la tête explose. Plein de trucs moroses. Les neurones bêtes chanceux qui gillent des pros pour des chèques. Qui taffent avec fierté. Tente de servir d'exemple. Fallait oser. Allez, je lève mon verre à ceux qui sont allés. Et tu crois ton intégration n'y croit. Mais tes actes racistes ont pris du poids. Je suis comme un beau monde déguisé. La venge, un continent payé. Une vague qui vient reprendre tout ce qu'on garde. Chacun de mes pas, ton regard posé sur moi me blesse comme si tu me pointais du doigt. Et tu viens ceux qui tiennent à essayer de nous dévier. La fureur dans les gènes qui peut stopper un homme décédé. J'ai passé 20 ans de ma vie à trimer. Tu sais ce que c'est de se réveiller 2 heures avant que le soleil songe à se lever. Voir la lampe te flamber les yeux comme une sentinelle. Et les gouttes des fuites du robinet qui te martèlent telle une truelle. Et voir ton boss un boulard qui te parle, fonce des opinards. T'ordonne d'aller sur chanter sinon t'es tricard. Pour ta paye de smicard, un cauchemar chaque jour que Dieu fait. Mais bonhomme, on encaisse tout, on n'a pas le temps d'aller se plaindre au prud'homme. En somme, boum, la seule joie que t'as c'est de voir ton monde grandir chaque jour. Et voir ta souffrance qui endure pour devenir demain quelqu'un qu'on respecte. Non celui qu'on suspecte, mais celui que les te respectent. Regrette de voir dans l'enregistre parce que le mec est classé net. Te parle pas du remake de Scarface cette fois-ci. Je connais le dos des cartes alors je mise tout sur mon Sophie. Un missile que personne pourra désamorcer, stopper ou désaxer de sa mission. Ok, j'accéderai peut-être pas avec lui au Panthéon. Mais demain son regard brûlera d'un seul coup toute ta nation. Je te le dis, à la surface de ton rejeton. Donc mec, fais bien attention. Et tu crois ton intégration n'y croit. Mais tes actes racistes ont pris du poids. Et tu as pas l'inté, tenga fe y plante. Eso es pa mi gente presente que vive lejos de son continente. A chacun de mes pas, ton regard posé sur moi me blesse comme si tu me pointais du doigt. Animal, tu crois ton pays c'est pas le nôtre. Moi et mon armée on dévore tout et la tienne tombe et s'vôtre. De surcroît, la tension s'accroît. Mes frères en ont marre de porter la croix. Et tu crois ceux qui tiennent à essayer de nous dévier. La fureur dans les gènes qui peut stopper un homme décidé. Planète Rap, la nocturne. Tu sais quoi, Hussein? Qu'est-ce qu'il y a? Putain, c'est la merde dans le quartier, t'as vu ça?